rap qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas dessin sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U centre. Et si que c'est WAM, j'amène un flow de taille, j'suis pas loin. Mais le style est à l'époque de la marijuana. Faut que ça défouraille à fond. Sur un son légal, c'est as qu'il te faut. Donc bouge ton as, garçon. T'es Harry, ah oui, toi tu kiffes le son Kenry. Et quand la veut toi, t'es que toi et les tiens. Et qu'est-ce qui t'arrive, man, c'est ça le rap. Les rimes frappent les beats fat. Et les petites chattes, c'est ce ton quand elles aient rap. Cru, mais pur, vrai, j'ai pur frère. Frère, à chaque saut mort, c'est pire quand je pense à ce que j'aurais pu refaire. En France, mon pays natal, de quoi te faire ces bâtards prendre des tas. T'es en genre des tas fatales. Les faibles détails, tu veux des détails, c'est nous le bétail. À taille, ou le point, joint de ce taille. Mec, c'est SM Pro, Mike, lève tes mains en l'air. On rap, on te voit que les putes, si t'es d'accord, font majeur sur ce track. SM3, groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3. Groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3. Nous dis pas que c'est lent, c'est plutôt excellent. Et nous dis pas que c'est laid, tu vas nous excéder. 0-2, tu viens d'accéder. Assez de rimes acérées, ainsi de trim SXK, SM3, la team vient d'accélérer. Toc de phrase, top des phrases, boss. Faut que t'écrases, vois les basses, boss. Ce sont la cause de nous mettre dans une case. Si je pose aujourd'hui ceci, c'est pour faire cesser les rappeurs à l'essai qui parlent de fric et de sens. Si cesser, de but de drogue, et c'est si facile de rapper ainsi sans sens. Ce sont les textes que l'on trouve sans sas. On s'entasse, et les cons niquent entre des. La death marque quand on s'agit au bout de notre laisse. Si mes phrases sont denses, c'est pour mieux dire ce qu'on pense. Si parfois je condense, c'est la technique, bien souvent on s'en compense. Écoute les mots dansés, instru séquencé, morceau déclenché. Pour revoir, un rap français dégrassé. SM3, groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3. Groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3. Les SXK on se cale, dans les temps les tympans on se colle. Mes cordes vocales te calment et sur elle tu te vocales. IKSX et les wax sont fixes. C'est un jeu risqué, puis fais gaffe à ce disque. Alors, qu'est-ce qu'il y a, c'est grave si on se gave. Nous deux brutes de bêtes de fille, c'est que les putes en bas. Avec les putes en bas, c'est ça, tout à fait. Copier tu peux taper, sur il faut taper. On kiffe le son comme un rasta sans taper. Même si on parle de pattern, de temps d'écho et de réverb. Pendant que tu rêves de bitch, rêve de luxe et rêve d'air. Chacun son trip, on peut kiffer les règles strictes. Représenter son district ou la street. Sans faire de strip, chacun son trip. Kaiser et KSX sont full feu, tout le jeu, faut le faire. La foule s'approche, laisse des foules frères. 2004, sous DS Lab dans les packs. SM3 attaque, les pros et les wacks. SM3, groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3. Groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3. SM3, groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3. Groupe qui grimpe, qui emmerde toutes les dames. Dans le fond, le son défonce 5U0200 SM3. On fait simple, nous on fera pas des seins sur combo ou sample. Combo quartier mort et 5U100 SM3.